Le feu de croisement gauche ne fonctionne pas. Je peux circuler en feu de brouillard avant? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de position uniquement? Oui, réponse C. Non, réponse D.